Bonjour. On est On est confiné, confiné. on est On est confiné. confiné. On n'arrive pas. enfin, on est confiné, tout est relatif. Hein. On est confiné, mais on fait ce qu'on veut dans les rayons de 10 km. Toujours, c'est toujours El Catou. Je suis toujours avec Nelson et Nio. Oh yeah. Aujourd'hui, on a 5 films. Je dégage quand même un certain aspect un peu nanar aujourd'hui. Excepté cette... Oh, Ouais, c'est Nelson, ça. sauf une personne, hein. On ne va pas nommer, qui a fait du sérieux. Il faut toujours que Nelson nous entraîne ailleurs. Hein. Bravo, hein, bravo. Oui, je le revendique. Oui, bien sûr. aujourd'hui, on va commencer par American Samurai de Sam Firstenberg. Ah, je l'ai dit. Avec Nelson. Ouais. Ensuite, on va continuer avec Tico Moon de Enki Bilal avec Nio. Oui. Ensuite, Firepower de Richard Pépin avec Nelson. Il y a un petit pépin. Richard Pépin. Ouais. Je crois qu'on va avoir du pépin dans tout le truc. Il y a un petit pépin. Après, Journey to China, The Mystery of Iron Mask de Oleg Stepchenko avec moi-même. Très long comme titre. Enfin, on va terminer avec À contre-courant de Mike Curtin. Curtin, j'en sais rien. Curtin. Avec Nelson. Donc voilà pour le programme du jour. Alors, cher Nelson, vu que tu vas ouvrir et fermer cette émission, tu vas commencer. Alors, aujourd'hui on va parler d'un American Samurai ou aussi La Loi du Samouraï, sorti en 92, un film de Sam Firstenberg à qui on doit American Ninja, donc avec David Bradley et Mark Dacascos. Alors, pourquoi je parle de ce film alors que normalement il devrait être facilement oubliable dans les limbes des vidéoclubs? Simplement parce que je me suis dit tiens, je vais me faire tous les petits DTV que j'ai trouvés, que j'ai gagné un jour dans des concours, et donc je suis tombé exactement sur celui-là. Je me suis dit tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ce truc est loin d'être un bon film. C'est un nanar. T'as failli, ouais. Et loin voilà. De qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un nanar. C'est un nanar avec une économie de moyens très visible et avec un scénario qui n'est juste un prétexte qu'à aller en Turquie et à faire un combat et transformer le film en Mortal Kombat. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire que on voit que le réal, c'est l'école Canon. C'est un mec de l'école Canon, donc le gars, il est en mode économie. Le scénar, c'est un mec, à mon avis, qui a dû un peu trop jouer, un peu trop regarder de sport, et qui s'est dit, je vais faire un grand tournoi, et puis c'est parti. Et avec des personnages, dignes du pire, du pire jeu vidéo, digne de Kazumi Ninja sur Jaguar, pour les connaisseurs. Voilà. Autant vous dire que on est bien servi, le tout dans une VF affreuse avec un doublage raciste, disons-le tout court. Et alors, pourquoi, quel est l'intérêt de ce film? Déjà, Mark Dacascos. David Bradley, parce qu'il joue comme un cul. Et Valérie Trapp, parce qu'elle est simplement Trapp, qui est simplement la caution féminine du film et qui ne sert qu'à ça. Voilà. Alors, l'histoire, je vous la résume très très rapidement. C'est un avion qui se casse la gueule au-dessus d'une forêt au Japon. Il ne reste que l'enfant, un tout petit enfant qui est survivant. Il est recueilli par un vieux japonais qui décide d'élever le gamin au lieu d'aller voir la police et de dire « Merde, il reste un gamin à l'intérieur !» Et donc, il l'élève comme son fils Et il va donc comment dire élever le jeune Andrew qui alors que bon quand il est né le gamin il n'a pas de nom donc il y a nulle part où il y a marqué son nom donc je sais pas il se dit tiens on va l'appeler Andrew il est blanc on va l'appeler Andrew voilà comment C'est dire pas il est recueilli par Takashi Sanga donc déjà le seul japonais avec un nom sénégalais donc Takashi Sanga qui l'élève comme son fils et donc ce qui provoque la haine de Kenjiro Sanga joué par Magda Carcos qui ne supporte pas que son père enseigne à un gaijin les rudiments de son art et le traite comme son propre fils si bien que au bout d'un moment ça crée une jalousie entre les deux et Kenjiro Sanga et il devient un yakuza et puis d'un coup il va pour, enfin, pardon, Andrew, il se fait, finalement, il devient un élève modèle et le Takashi Sanga décide de lui donner l'épée, voilà, l'épée, le sabre de la dynastie Sanga, etc., etc. Et donc, ça provoque l'ire de Marc Dacascos qui décide de se venger, qui fait voler le sabre et l'autre il est persuadé et Andrew il est persuadé que c'est le frère qui a fait ça ce qui va l'amener à un combat pardon un tournoi dans un combat enfin merde je recommence ce qui va l'amener dans un tournoi combat clandestin en Turquie et Dieu sait que j'adore les trucs qui se passent en Turquie et donc voilà tout va être prétexte à ce tournoi qui est waouh. Waouh, il faut voir les gars, le personnage de Sim, c'est Mortal Kombat à côté, c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite. Les combattants dans ce truc, Mortal Kombat, déjà, Mortal Kombat, ça vole pas haut, hein. Non, le deuxième Mortal Kombat, d'accord, mais le premier, non. Ouais, le premier, moi, le premier, pas dégueu. Big respect to, comment il s'appelle Christophe Lambert. Christophe Lambert, merci. Merci, respect to Christophe Lambert. Mais là, ce film-là, moi, j'ai vraiment, il y a des énormes problèmes de montage. Le doublage est à mourir de rire. David Bradley ne sait pas jouer, mais là, il joue vraiment comme un cul, quoi. Et tout est prétexte à ce tournoi. Et alors, en plus, on est abreuvé de paroles sages de Takashi Tonga, qui est mort, hein, depuis une plombe, mais qui, voilà, parle à travers, tu sais, les gens en voix off, et Andrew, donc, qui joue par Donny Bradley, qui fait genre, hein, je me souviens de la parole de mon maître et tout machin. C'est formidable. Voilà, moi, je suis un amateur de nanar, mais celui-là, c'est un nanar. Il faut regarder ça bourré avec ses potes, pas tout seul. Il faut avoir vraiment un petit peu d'alcool dans le sang, voire un petit bédo dans le fond, parce que très, très forte, enfin, franchement, faut être un peu allumé pour le mater, parce que franchement, si tu regardes sérieux, tu vas te pisser dessus de rire, tellement c'est ridicule. Nelson, est-ce que tu dirais que c'est la frontière entre le nanar et le navet? On est peut-être plus à la frontière, Ouais, on est plus à la frontière. On a déjà mis un territoire dans le nanar. On a traversé le navet, on est déjà dans le nanar. Tu vois? Là, on est en train de passer, on passe la douane, le nanar, tu vois? C'est un film qui passe la douane. Voilà. Parce que, attention, le nanar est quand même beaucoup mieux que le navet en général. Exactement, parce qu'on se rend la gueule. On se rend la gueule. Mais là, celui-là, il est, c'est vraiment, c'est, voilà, on passe la douane du nanar. Et on n'y est pas encore. Voilà, on n'y est pas encore. Mais franchement, voilà, tout est prétexte à ce tournoi, dont on n'a franchement rien à foutre. Mais voilà, c'est juste pour amener David Bradley à se taper contre Marc Dacascos dans une baston même pas épique. Il y a quelques effets gore qui sont sympas, vraiment. Mais sinon, voilà, matez-le avec vos potes et surtout ne regardez pas tout seul. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, cher Nio, tu continues avec... ton petit commun de Enki Bilal, sachant que j'ai cru comprendre que t'aimes beaucoup Enki Bilal. Oui, et ben en fait le truc c'est que bon, du coup j'aborde un sujet sérieux, on va dire. Et là pour l'instant je ne vois pas trop de lien qui relie Enki Bilal. Il n'y a pas de transition possible. C'est un peu compliqué. Et du coup, en fait, je me suis fait une semaine Inkibilal récemment. Donc Inkibilal, c'est quand même un auteur de bande dessinée francophone, mais qui est né à Belgrade, mais qui s'est pleinement intégré au territoire français, on va dire. Et toutes ses œuvres, c'est essentiellement des BD de science-fiction qui ont pour thème la mémoire. La mémoire, le souvenir, souvent il parle aussi des conflits, de la guerre, des immigrés. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, parce qu'il est lui-même immigré, on peut dire. Et il a quand même mis un pied en cinéma, ça c'est intéressant, et il a fait 3 films de science-fiction. Alors, les mauvaises langues diront que plus il a fait des films et plus la qualité a baissé, et malheureusement on ne peut pas leur donner tort, puisqu'il commence avec un premier film, Bunker Palace Hotel, en 89, que moi je trouve vraiment excellent, et que beaucoup de gens trouvent aussi vraiment très très bon, un film à réévaluer avec un casting assez monstrueux en plus. Après, on passe du très très bon au bon, avec Tico Moon, qui est sympa, bien, sans plus, en 96, et dont je vais parler. Et enfin, il se vautre totalement avec Immortel en 2004, produit par Luc Besson, si je me souviens bien, Europacorp. C'était peut-être le faux pas de trop qu'il fallait pas Ça doit faire. être ça, ouais. Voilà. Moi, je me souviens juste que Immortal, il y avait Linda Hardy et Thomas Kretschmann dedans. Ouais, c'est Ah, ça, c'est ce mais. que j'allais dire. Et Charlotte Rampling, si tu te rappelles bien aussi. Et Ah, je ouais. sais plus. Ici, il y a le médecin dans Immortel. Et non, non, sur les 3 films, de toute façon, il arrive toujours à avoir un casting super intéressant. Je pense que les gens, ils doivent être contents de pouvoir tourner dans Inkibilal. Et l'avantage des 3 films, quand même, parce que je vais pas trop taper sur Immortel, parce qu'il y a quand même quelques qualités, c'est que quand on connaît ces bandes dessinées, c'est hallucinant. C'est vraiment cet univers-là qui se retrouve à l'écran. Là, il n'y a pas d'erreur. Il y a déjà des cas où il y a eu par exemple des musiciens qui sont passés à l'écran. Je me rappelle à l'Étrange Festival, il y avait le musicien de tel groupe de rock qui avait tourné un film, en plus tourné l'équipe de son groupe, et je m'étais fait chier monumentalement. Parce que ça se voulait subversif, mais en même temps, il y a un truc avec un flic qui bute les gens, je sais plus trop quoi. Tu te rappelles un peu Catou ou pas? Du Non? tout. Bon, tu vois, ça t'a pas trop traversé l'esprit. C'est pas grave. Alors Non, après, mais t'es je sûr, sais t'en souviens même pas. plus. Hein? Comme ça, là, c'est sûr que tu t'en souviens pas. Ouais, ça peut pas nous trahir. Je vais pas faire semblant, c'est pas. Mais voilà, par contre, en tout cas, quand on connaît les bandes dessinées ou même l'illustration de Kibila, parce qu'il y a quand même un travail d'illustrateur assez important, que ce soit pour les couvertures de livres. Moi, par exemple, j'ai un livre en folio junior, j'ai la version de Nure que Stephen Wool, illustrée par Enki Bilal, la couverture. Donc, il a fait l'illustration pour adultes, pour enfants, etc. C'est tout un pan de son travail qu'on a tendance à oublier. Et donc, du coup, il nous tourne 3 films de science-fiction, dont Immortel, donc qui reprend sa bande dessinée, la trilogie Nicopole. Et bon, après, le problème, c'est comment faire tenir 3 tomes, ou plutôt 1 tome et demi, parce que ça reprend un peu le tome 1, et ça injecte un personnage comme Jill qui apparaît dans le tome 2, etc., dans le film. Comment essayer d'arriver à faire un gobi-boulga filmesque qui tient, en piochant un peu dans les 3 tomes, quoi. Et la réponse, c'est que c'est bancal. C'est bancal, assurément, quoi. Il y a des bonnes idées, mais le film a très mal vieilli. Alors, d'un point de vue visuel, il y a de bonnes idées, parce que quand même, Ghibli, c'est lui qui tient le cadre, qui fait le film. Et donc, il y a pas mal d'idées qui viennent de ces bandes dessinées déjà, donc il y a déjà tout en place. Mais quand on voit, par exemple, les images de synthèse du film, t'as l'impression de te retrouver dans Immortel devant des images de synthèse un peu PlayStation. Et quand tu revois le film 20 ans après, tu fais « Ouh! Ouh! Même la menace fantôme, ça s'en sort mieux. Et encore, la menace fantôme, je tape dessus dans des effets spéciaux, en plus, c'est pour dire, quoi. » Ouais, mais il faut voir aussi que bah, il y a une différence à l'époque aussi, quoi. Il me semble que c'est une société française qui faisait comment ça s'appelle, les effets spéciaux numériques. Ouais. Mais en même temps, il y a une différence, oui et non, parce qu'en fait, Immortel, il met du numérique, mais quand tu regardes Bunker Palace Hotel et Tico Moon, qui ont été tournés avant, bon, évidemment, le numérique n'aurait pas été aussi poussé, mais c'est surtout des effets spéciaux à l'ancienne. Bunker Palace Hotel, il y a un truc qui m'a toujours sidéré, c'est qu'il n'a pas hésité à repeindre carrément sur la pellicule. Donc, tu as des images du décor du film, avec des trucs qu'il a refait, parce que même Kibila, il n'a pas eu le temps, ses bandes dessinées, parfois à avoir des photographies, et à repeindre par-dessus. Et c'est hallucinant quand tu vois le truc, Bunker Palace Hotel. Tico Moon, par contre, il y a un budget très resserré. On sent qu'il y a un budget très resserré. Et du coup, il va pas pouvoir se permettre de peindre sur le truc, etc. Mais il va quand même, les versions artistiques, elles tiennent assez bien. Alors justement, on parlait justement des castings. parce que notre cher Bilal a tout droit à un casting de malade. Chico Moon, attention les yeux, on a quand même dans le même film Michel Piccoli, Richard Bourringer, Jean-Louis Trintignant, Marie Laforêt, Julie Delpy et Johan Leysen, qui apparemment ne parlera pas beaucoup de monde, mais selon un de nos chers ex-membres du Poney Cosmic Club, qui s'appelle Geoffrey, c'est un excellent comédien de théâtre. Bon, je veux bien croire. Mais par contre, au côté cinéma, on ne connaît pas vraiment une... Comparé aux autres que j'ai C'est cités, pas il n'y a pas un très... ex-membre, hein. C'est qui vient de temps en temps. Il est en présence épisodique. Comme on n'a pas eu de Cannes l'an dernier, C'est un bah invité. forcément. Bah ouais, c'est ça, c'est notre invité permanent, quoi. Voilà. Et donc, non, mais alors, là, du casting, et on voit quand même que tous les comédiens ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Alors, on va pas se le cacher, Jean-Louis Trintignant, il a un tout petit rôle dans le film, on doit voir qu'à peine 15 minutes, il fait un chirurgien qui est à la botte du détecteur McBee, qui est joué par Michel Piccoli. Et Trintignant, putain, à chaque fois, le mec, il m'épate, quoi, il est incroyable. Faut vraiment que je m'approche sur sa filmographie parce que, voilà. Et pour reprendre un peu Tarkovsky dans son journal intime, Tarkovsky avait vu Vivement Dimanche de Truffaut. Et Tarkovsky, à un moment, a fait cette remarque que j'aime beaucoup, qui me fait un peu sourire, qui dit, à un moment, il écrit Tarkovsky, oh là là, avoir Trintignant dans son film et ne pas utiliser tout son potentiel, quel gâchis. C'est pour dire à quel point. Mais en même temps, Vivement Dimanche, bon voilà, c'est le dernier film de Truffaut en 83, c'est un Truffaut mineur en plus. Mais c'est clair que même Fanny Ardant, qui tient le premier rôle, est complètement sous-exploitée un peu. Bon. Donc là, on a un casting de malade et le film est, on ressasse à nouveau tous les thèmes sont chers à Bilal. Comme pour Bunker Palace Hotel, on a à nouveau un dictateur qui est un peu dans sa décadence. Chico Moon, en fait, se base, c'est une colonie sur la Lune. Et c'est le dictateur McBee, qui est joué par Piccoli, qui est un dictateur vieillissant, qui est gagné par une étrange maladie avec une tache bleue qui s'étend sur son corps. Et toute sa famille a cette espèce de tache bleue, etc. Tous les McBee ont un truc. Et lui, ce qu'il vise à avoir, c'est un peu l'immortalité. Et Chico Moon, c'est pendant plus de 20 ans, c'était un donneur qui lui a donné des cellules et qui a permis au dictateur, donc joué par Piccoli, de survivre. Le problème, c'est que Chico Moon, dès le début du film, on comprend qu'il a disparu. Il aurait disparu dans un incendie, toute la clinique aurait disparu, etc. Et le héros en question, en fait, il a des cicatrices et il dit qu'il est amnésique. À un moment, il y a un dialogue dans le film où il dit « Je suis né à 20 ans ». Donc, pas d'erreur, le spectateur se doute bien que c'est Chico Moon d'ailleurs, tout de suite d'emblée. L'intérêt du film, il est ailleurs. Comme dans toutes les BD de Bilal, en fait, les personnages, ils sont très pragmatiques, très élégants, et ils se laissent un peu porter par l'histoire des événements, etc. Chez Bilal, dans ses BD, il y a pas beaucoup d'action, c'est où des dialogues, etc. Et les personnages ont un peu un rôle passif. C'est un peu ça dans Chico Moon, et peut-être plus que dans les deux autres, parce que le film est assez contemplatif dans l'idée, même si, par exemple, le personnage de Richard Bourringer incarne Glenn Barr, qui est un tueur qui a un contrat pour dézinguer toute la famille McBee. Donc un peu d'action, vu que les McBee vont tous se faire un peu descendre. Voilà. Ah oui, j'oubliais. Je vais parler d'un comédien vite fait qui est pas très connu et qui est pourtant une gueule. Vous cherchez sur Internet un certain Yann Colette. Yann Colette, c'est quelqu'un qui a eu un accident très jeune, ce qui a fait que son visage, il y a une partie de son visage qui est un peu rentrée dedans et l'orbite de son œil, l'un de ses yeux, l'orbite, elle est rentrée. Donc, au cinéma, il a souvent fait des rôles de gueule cassée ou de méchant, Je etc. crois voir qui c'est. Attends, je vais regarder, mais je crois voir qui c'est. Parce que c'est pas lui qui avait joué dans La Maison Assassinée. Attends. Ah, mais le magasin Solitude en 2020, la série de Canal+ qui vient de sortir, Paris Police 1900 en 2021, tiens, tiens, et Un couteau dans le cœur récemment en 2018. Mais Et si, c'est ouais. aussi. Je vois qui c'est. Et il me Et semble qu'il ouais. est. Ouais. Il a un physique, il a Effectivement. vraiment la gueule quoi du truc, quoi. Ça fait plaisir de voir que, à part Fellini, il y a quand même encore d'autres cinéastes qui utilisent des gens qui ont une gueule pour leur proposer des rôles, tout ça. Et Yann Colette, d'ailleurs, il a tourné dans les trois films de Bilal, c'est-à-dire Bunker Palace Hotel, Chico Moon et Immortel. Voilà. Et puis, bon, Chico Moon, voilà, vous voyez le casting, Bunker Palace Hotel, il y avait quand même aussi Trintignant qui tenait la première place. Là, il est juste effacé. Et on dirait qu'il est venu en bon copain pour Chico Moon. J'ose juste 15 minutes pour. Hey, Benki, c'était cool ton premier film. Ah, je reviens dans ton deuxième film. J'ai pas trop le temps, j'ai un emploi du temps chargé, Si, mais j'ai plein j'avais de choses. raison, il a joué dans la maison assassinée. Ah, quelle année? C'est 88. Mais Ah il a ouais. commencé sa carrière, son premier film 79 quand même, hein. Donc bon après c'est des tyrolles, mais ouais, il a quand Ouais, même mais tu vois de sur la LinkedIn, bouteille, quoi. on l'oublie pas, quoi, le mec. D'ailleurs, Nelson, tu taperas sur Google, Yann Colette. Yann Colette? Ouais. Ouais. Comme le D'accord. prénom Colette. D'accord, vas-y. D'ailleurs, la maison Et du assassinée au coup. passage, c'est George Lautner. Hein. J'ai un peu zappé le truc, mais ouais. Oui, mais il y a une bonne carrière aussi, quand même. Hein. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Et du coup, bah écoute, et comme j'ai dit, c'est pas le meilleur des trois films, mais c'est pas le moins bon. Il se situe dans la juste moyenne, il est pas dégueu, on va dire. C'est bien foutu, il y a quelques effets spéciaux. Les décors, c'est une espèce de Paris fantoche avec une espèce de mur qui est partout. Et on voit les monuments de Paris qui sont reconstitués un peu, parce que c'est le dictateur, il voue un amour à la France. Donc, par Michel Piccoli, à un moment, il dit même dans une feuille, il dit même, quelqu'un qui lui parle en anglais, il fait, vous parlez français ici, monsieur. Et, du coup, bon, on voit quand même que Bilal, il a pas beaucoup de budget, donc, mais il arrive à se débrouiller. Les souvenirs du héros, par exemple, qui est amnésique, c'est des séquences qui sont négatives. Ça rajoute une certaine touche de poésie dans le film. Les décors sont très minimalistes et une ambiance très bétonnée comme dans ses bandes dessinées, avec une palette qui tourne le gris blanc. Et comme souvent chez Bilal, parce que c'est pendant longtemps, il y a eu une période un peu bleue, Bilal. Donc, dans ses BD, il y avait même un personnage de femme qui a les cheveux bleus, Jill, dans la très gynécopole. Et là, dans Bunker Palace Hotel, il y a aussi des tons bleutés, très froides, et voilà. Et là, c'est la tache bleue qui s'étend sur les McBee. Et Immortel, bah, on retrouve le personnage de Jill dans le film qui est issu de Cosmicopole, qui a les cheveux bleus, les yeux bleus, et peut-être le sang bleu, si on ne sait pas, un peu comme les Schtroumpfs. Et par contre, J'allais dire avatar. il y a aussi pas mal de palettes de verre. Donc, non, c'est vraiment. Moi, j'applaudis quand le cinéma français, avec peu de budget, arrive à nous faire des trucs intéressants, créatifs. Qu'on aime ou pas le film, franchement, moi, je suis content. Voilà. Par contre, les dialogues sont bien aussi. Les dialogues, à un moment, Richard Boringer, il y a Gisèle Pi, non, c'est Gisèle Pi qui dit à Glenn Barr qu'il veut pas Richard Boringer parce qu'il a écrit, c'est lui qui a fait revenir Ticomi sur le devant de la scène en faisant des petits pamphlets qu'il a fait distribuer, un petit bouquin. Et donc, elle dit à un moment dans la voiture parce qu'ils sont obligés de se socialiser, elle fait, j'aime pas les écrivains qui tuent. Et lui, il réplique, j'aime pas les putes qui aiment. Ça, c'est vraiment digne des dialogues comme on a pu en avoir au cinéma français à un moment. Enfin, on voit que Bilal te commande. Mais pour la petite histoire, là, le scénario, il est co-signé à la fois par Bilal et par Dan Frank, qui est un romancier. Et pour lequel Bilal a fait d'ailleurs quelques illustrations et des couvertures. Donc voilà, c'est un peu les chances de table. Et puis en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que autant dans les BD de Bilal, il n'y a pas beaucoup d'humour. Ça, je pense que c'est Dan Frank qui a voulu introduire un petit truc. Autant là, il touche à l'humoristique et c'est marrant. Par moment, dans l'hôtel où Tico Moon ainsi que la jeune fille jouée par Gisèle Pi qui s'appelle Lena, qui est en fait une tueuse à gages, elle aussi, ils vont à chaque fois dans l'hôtel et à l'hôtel, il y a un grand portrait marqué le violateur du mois. Donc imaginez une dictature où à chaque hôtel, tu auras le mec qui rapporte du mois, qui est le mieux payé pour rapporter tous les ragots, mais aussi pour te vendre à la police principale, à la police secrète. Donc tu vois le mec avec le portrait juste énorme, le zélateur du mois, tu t'attends à un connard. Et à chaque fois, tu retrouveras le zélateur du mois. Et à un moment, du coup, le zélateur en question, à l'hôtel, il vient voir Tico Moon, il lui fait « Oui, au fait, monsieur, je ne vous aime pas. Et je tiens à vous dire que l'ascenseur est réservé aux diplomates. » Et après, il lui fait « Vous êtes diplomate ?» Et lui, il fait « Vous êtes zélateur ?»« Oui, monsieur. » Bon, ben voilà. Il se barre. Ou même, à un moment, il y a un autre gag avec un autre zélateur qui est embusqué dans une tente. Et il y a Tico Moon et Jules Delpy qui passent, il lui retire ses lunettes, il lui pète ses lunettes et il brise sa radio. L'autre, une fois qu'ils sont partis, il va chercher une radio de secours dans un truc et puis des lunettes, il a toute une armoire avec que des lunettes de service. Il remet ses lunettes et après t'as Richard Boringer qui passe, qui bute la radio avec le revolver, qui prend les lunettes de secours et qui éteint tout. Donc voilà, Ah oui, quand même, quoi. ouais voilà, il y a plein de petits détails comme ça. Et puis même à un moment, ils ont trouvé une tente pour faire crac-crac, parce qu'il y a une petite histoire d'amour comme ça. Et le gamin qui lui loue la tente à un moment, c'est dans le désert, tu te doutes que c'est pour essayer de sortir de la colonie lunaire. Et le gamin lui fait, pour 10 dollars, monsieur, et c'est rien que pour toi, parce que tu me plais bien, je te donne la tente, je la loue avec douche, préservatif et petit déjeuner. L'autre, il fait, ok. Et peu de temps après, t'as les gamins qui regardent, entendant les pièces, à chaque fois, pendant quelques 5 minutes, il y a un trou dans la tente. Le gamin qui a loué la tente, il fait passer ses autres, ses potes, pour qu'ils regardent les ébats amoureux à travers un petit trou dans la tente. Et Tico Moon et Lena, ils entendent à chaque fois le bruit des pièces. Et donc, il y a Elvis Delpy qui joue Lena, qui a un grand sourire et qui jette un truc pour basquer le trou. Donc voilà, ça fait plaisir, quoi. C'est pas figé, j'allais dire comme ces BD, mais même ces BD, il y a quand même des couleurs, etc. Après, j'ai conscience que c'est un univers qui peut pas plaire forcément, quoi. J'ai envie de dire, il faut aimer la SF, il faut aimer l'univers de Bilal, parce que c'est vraiment, on est vraiment, c'est comme l'univers dans ces bandes dessinées. Et puis, il faut aimer les histoires un peu complètement, autres, quoi. Autres qui ne sont pas du space opéra, avec des coups de laser, des sabres laser, ou alors qui n'abordent pas les grandes problématiques de la science-fiction. Je pense à Bienvenue à Gattaca, ou alors même Brasil avec sa dictature administrative. Là, à chaque fois, c'est plus l'univers de Bilal, avec le thème de la mémoire, les souvenirs. À nouveau, un dictateur dans Bunker Palace Hotel, et voilà. Voilà. Donc, je vais terminer en disant que je suis content de l'avoir revu. C'est une qualité que je n'avais pas revue. Et sans être un grand film, ça se regarde. Voilà, voilà. T'as ressenti la même chose qu'à la première vision ou c'est mieux à la deuxième? La même chose que la première vision. Mon ressenti reste que c'est un bon petit film, pas mal, parce que je l'avais en VHS. Donc, c'est pour dire à quel point, effectivement, ça fait un petit bout de temps. Maintenant, Ah, ce c'est serait clair. bien que les éditeurs, je ne pense pas qu'ils nous écoutent, mais ce serait bien que les éditeurs puissent ressortir Bunker Palace Hotel en version masterisée, hein, Carlotta ou Chaki Fume, avec peut-être Tico Moon en disque bonus, parce que Tico Moon, si on le recherche sur Amazon, maintenant, il coûte 95 euros. Et Bunker Palace Hotel, non, Tico Moon, on peut le trouver pas cher, à 16 euros. C'est un peu Malheureusement, beaucoup, Bunker Palace Hotel, 95 c'est dans les quand même. 90. Non, c'est Bunker Palace Hotel, qui est à 95 euros, voire 140, Ah la vache. sur Amazon, euros en DVD. Tandis que Tico Moon, on peut le trouver à 16 euros, mais bon, c'est Bunker Palace Hotel qu'on veut, avec Tico Moon en bonus. Mais attends, Nio, 95 euros en DVD ou en VHS? En DVD, mais je crois qu'il y a aussi une VHS de Bunker Palace Hotel qui circule sur Amazon, quoi. Mais bon, Ah faut ouais. pas regarder le prix. Par C'est contre, abusé. Immortel, son troisième film, comme c'est Europacorp qui l'a distribué, Immortel, bah, je l'ai trouvé pour une bouchée de pain, et je crois qu'on peut le trouver encore pour une bouchée de pain, alors c'est moins bon. Ouais, c'est clair. Mais il y avait Linda Hardy dedans. Très Non, peu mais de pain. il y a toujours un casting de ouf dans ces films, quoi. Et j'aimerais bien qu'il repasse à la réalisation, parce que là, il a plus rien tourné depuis un moment. J'aimerais bien qu'il mette en pause ses bandes dessinées, qu'il nous refasse un film, quoi, un petit jour. Ce serait bien. Cette pauvre Linda Hardy qui a quand même pas eu trop de chance en termes de ciné, parce que je pense que Bah, maintenant. elle aurait pu, je pense que voilà, si elle avait rencontré les bonnes personnes, ça aurait pu, parce qu'elle Elle est. était bien dans Le Souffleur. Moi, je l'aimais bien dans Le Souffleur, mais c'est vrai qu'elle a pas fait des masses de trucs. Et aux dernières nouvelles, maintenant, elle fait, enfin, pas des masses de trucs bien. Et aux dernières nouvelles, elle fait Demain nous appartient, le truc de la 2, quoi. Ouais, bon, d'accord. Tu me diras, Hubert Koundé, il faisait bien pendant Plus un belle moment, la vie, plus belle la vie, donc, ouais, hein. c'est triste. Ouais. Bah mon cher Nelson, tu nous Oh, oui. poursuis tout ça avec Firepower. Yes, Firepower. Alors, vous prenez les mêmes et vous recommencez. À savoir que Firepower est un film de Richard Pépin, ou Richard Pépin, Ah, c'est ça. voilà, sorti en 1994 avec Art Camacho, Gary Daniels, Sally Shadass, Vanessa Hampton et Dennis Kiefer. Et vous prenez les trois derniers que j'ai dit et le premier. Et vous les effacez parce qu'ils n'y ont clairement aucun autre film. Les chercher, ils n'ont rien fait d'autre. Donc du coup, le seul qui est bien, c'est pas le seul qui a une carrière, c'est Gary Daniel. Et en fait, voilà quoi, le film, bah, c'est exactement la même chose que pour American Samurai, sorti 2 ans avant. Sauf que ça se passe en 2007. Ça, au début, ça a des petits, enfin, c'est un 2007 fantasmé, hein, genre en mode Fortress avec à mi-chemin entre Fortress et Robocop avec des keufs. Non, plutôt pas Fortress, je dirais plutôt Demolition Man, voilà. Le futur à la Demolition Man, les keufs avec des gros casques, des lasers, etc. Et des voitures qui explosent partout. Alors au début, il y a ça, il y a de la course-poursuite et tout, et puis finalement, à la fin, on n'a plus de thunes et on fait un espèce de Mortal Kombat Lidl. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et donc, en fait, bah, le synopsis, je vous le dis rapidement. Los Angeles 2007, quelques années seulement, la cité californienne a plongé dans le chaos, au point que le gouvernement donne aux criminels une partie de la ville. Donc, déjà, on voit un petit peu New York 97 se profiler. Une zone de non-droit où la police ne pénètre jamais. Alors, ça, c'est jamais précisé dans le film. Hein. Ça, c'est des conneries. Jamais dans le film, ils sortent un truc pareil. Donc, deux flics s'y risquent pourtant. Sledge et Braniff aux trousses d'un psychopathe. Ils entrent dans un enfer où, entre l'organisation de deux duels jusqu'à la mort, le tout-puissant Drexa se prépare à la diffusion à grande échelle d'un antidote plus dangereux que le virus qu'il est censé éradiquer. Et ça, non plus, c'est pas du tout ça, parce que en fait, c'est pas un antidote, c'est une drogue. Voilà. Donc, le film, en fait, est comme pour, comment ça s'appelle, American Samurai, c'est tous les prétextes à un duel à la fin. Alors, c'est curieux parce que la jaquette que j'ai me propose, comment il s'appelle, Gary Daniels, en gros, donc en ce qui est censé être le premier rôle. Et en fait, pas du tout, c'est le second rôle. C'est le second rôle. Dans l'autre, Arthur Carmacho, on ne sait pas du tout qui c'est. J'ai beau chercher, je crois qu'il a fait beaucoup d'autres DTV où il joue ou un keuf badass ou un espèce d'expert en arts martiaux, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est filmé avec le cul, mais là, si tu veux, celui d'avant, American Samurai, autant ça osait des variations de plans. Pour varier sur le montage pendant les combats, autant celui-ci, c'est tout est filmé de loin. Tout, les combats, tout est filmé de loin. Donc la seule chose qui est correcte, et je pense que c'est une deuxième équipe qui a dû filmer, ils avaient un budget pour le grand angle, et du coup ils se sont dit on va l'utiliser à fond. Exactement. Ben c'est, je pense qu'en fait il avait que ça pour son budget. Ça lui a dit écoute, tu auras une caméra, tu auras un grand angle, ça va s'arrêter là. Parce que voilà, et je pense qu'en fait tout le budget il est passé dans les cascades de bagnoles qui explosent au début du film. Parce que franchement, tout le reste, les combats sont finis avec le cul, il y a très peu de variations d'angle, et pourtant les chorégraphies sont pas dégueulasses. Mais voilà, le film est un, comment dire, plus les années 90, c'est-à-dire que c'est filmé, et après en même temps c'est un peu le transfert vidéo de mon DVD qui doit être assez à chier, mais bon voilà, c'est ça se voit, c'est du direct ou DVD, donc c'est filmé avec des caméras de télévision. Ça, on voit que c'est pas, il n'y a pas le grain du 35 mm. Que dire d'autre, sinon tout est convenu et ultra convenu. On sait qui va mourir, qui va être vivant et comment ça va se terminer, mais là, c'est vraiment un navet, celui-là. C'est-à-dire que c'est le même film, mais là, celui-là, c'est véritablement un navet. C'est pas du tout comme l'autre qui est assez fun parce qu'il y a un doublage qui est un peu foireux. Non, là, celui-là, tout est foiré du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même les, si tu veux, dans dans American Samurai, il y avait des blagues et des séquences, enfin des phrases qui sont normalement badass, qui sont très mal doublées et très mal traduites, donc du coup on les comprenait pas, et c'est ça qui faisait rire aussi. Mais là, dans celui-là, même les punchlines, elles sont pas drôles, ou très peu drôles. Donc en fait, franchement, celui-là, c'est véritablement un affaire. Voilà, moi je l'ai regardé parce que j'avais que ça à foutre, et que surtout qu'il traînait dans le fond de mon placard puis une plombe, mais véritablement là, c'est la grosse différence entre un nanar et un navet. Un nanar, on se fend la gueule, un navet, pas du tout, et celui-là c'est le cas. Et c'est franchement, c'était aussi la mode à l'époque des films avec des gros tournois, etc., de combats illégaux, en preuve par exemple le grand tournoi avec Van Damme. Mais là, celui-là, franchement, c'est le tournoi EcoPlus au fond de ta cave, quoi. C'est-à-dire que même Fight Club, c'est plus vendant que ça. Voilà. Donc, à oublier. Ben moi, je vais poursuivre avec un film un peu spécial. Alors, qui a plusieurs titres. Moi, je l'ai sous Journey to China, The Mystery of Iron Mask. Sachant qu'il a deux titres, alors attends, oui, qui s'appelle aussi The Mystery of Dragon Seal, ou The Dragon Seal, ou The Iron Mask, et Iron Mask. Sachant Ouais, que... moi c'était juste Iron Mask que j'avais entendu parler vite fait. Sachant que sur IMDb, c'est The Mystery of the Dragon Seal, la légende du dragon, qui n'est même pas encore glissée dans les autres d'avant. Donc, D'accord. Ça me rappelle un peu Chinese Zodiac, qui est le dernier film de Jackie Chan, enfin, qui était censé être le dernier film de Jackie Chan. Et jamais il y a le dernier qui... film de Jackie Chan, lui, tant qu'il peut Bah... continuer, continue. Ouais, mais enfin bref, c'était censé être son dernier, et qui était aussi un film d'aventure et qui a aussi quelques noms différents. Quelques titres, ouais. Et donc, en fait, c'est une suite, en réalité, ce film. C'est la suite, parce qu'en fait, il a aussi un autre titre qui s'appelle Vai to Journey to China. C'est la suite du premier film qui s'appelle Vai, qui est un film russe, qui est un film russe qui se base très librement sur des nouvelles de Nicolas Gogol, avec des créatures magnifiques, tout un tas de trucs, etc. Le premier film avait super bien marché, le premier film qui s'appelait La Légende de Vai, en français. Le premier film, en fait, avait un budget de 26 millions, estimé à 26 millions, et il en a gagné 38 000, enfin pas loin de 39 000, quoi. Et du coup, ils se sont dit, sachant que c'est sorti en Russie, en Ukraine, mais aussi bien aux États-Unis et en Angleterre, alors pas chez nous, on a fait l'impasse, visiblement. Et du coup, ils se sont dit, alors c'est sorti, je crois, en 2014, ça a vachement bien marché. Résultat, en 2015, ils annoncent, on va faire une suite. Sachant que ils avaient les enfin ils voyaient loin, hein, parce que bon, il y a un acteur, l'acteur principal qui est, enfin, ouais, dit acteur principal, c'est Jason Fleming. Et Jason Fleming, qui a pas eu une carrière enfin, il y a pas de coup d'éclat. Je pense qu'à mon avis, ça doit être son seul coup d'éclat, justement, de carrière, parce qu'il est en premier rôle de, du coup, deux films, on pourrait dire une franchise, hein, avec un peu de chance, ils vont nous en sortir un troisième, hein, s'il marche bien. Donc, mais il a quand même, enfin, il a des, quand même... Moi, je l'avais découvert dans Brother. Je crois que c'était, Dans Brother, c'est quoi? Brother, Bruy, Ah, Brother, oui. ouais, je crois que c'est Romero, je crois, je sais plus. Si je dis pas de bêtises, faudrait que je vérifie. Il a joué dans d'autres trucs. Bah, tiens, dans les premières émissions, on a parlé de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. C'est lui qui fait Jekyll et Hyde. Ah, mais oui. Mais oui. Et sinon, il avait joué aussi dans Atomic Circus, le retour de James Bataille. Et c'est lui qui faisait James Bataille. James, le Atomic Circus, qui était comment? Poirot. Hein? C'était Atomic Circus, le film des Sœurs Poirot. Ouais, exactement. Voilà. Ouais, avec Vanessa Paradis et Benoît Exactly. Pouvoir. Ça n'a pas vraiment Exactly. été compris d'ailleurs par les Oui, gens. mais Ah, parce ok. qu'en fait, c'est un truc qu'on faisait, que c'est typiquement le genre de truc qu'on fait pas en France, mais qui est foutrement intéressant, comme produit, en fait, comme œuvre. Et c'est bien dommage. Je pense que, bon, après, c'est plus le type de film, c'est le type de film qui, L'affectivité est... c'est le type de, c'est le type de film qui va rester sur la longueur, quoi, en fait. Voilà. Donc voilà. Donc, il y a son personnage qui est un cartographe. Donc, avec, dans le premier film, il a une love story visiblement avec une nana. J'ai pas vu le film, mais d'après ce que j'ai compris, ben, c'est la même actrice qui revient dans le deuxième et tout. La nana avec qui il a une love story, en fait, elle a un père qui est un lord, et le lord, c'est Charles Dance. Donc, ce pauvre Charles Dance qui est impliqué dans un truc comme ça, tu fais waouh. Bon. Attends, deux c'est qui Charles Charles Dance, oh, mais t'as jamais vu ça, enfin, Dent? dans les années 80 et tout, et puis bon, Il dernièrement, reprend c'est, les éléments. puis même, il a fait un des derniers, je crois, Charles Dance, non? Dans Alien 3, bordel, il est fabuleux. Mais je crois qu'il a fait, bon, bref, et dernièrement, il était dans Game of Thrones. C'est... Bah oui, c'est lui qui fait le père Lannister, en fait. Ah, mais j'ai pas regardé. C'est pour ça. Mais non, moi, j'avais vu dans un truc qu'il faut que je revoie absolument, qui était un téléfilm qui m'a effrayée quand j'étais gamine, parce qu'il y avait... enfin, il y avait des histoires de génétique et tout, des trucs comme ça, où il jouait un savant qui avait tenté une expérience un peu spéciale et tout. Et il faut que je retrouve le truc, parce que ça reste une de mes... de une de mes expériences visuelles un peu spéciales. Donc on reprend. Donc c'est la suite de ce premier truc en fait qui est Vi. Et donc d'où je sais pas pourquoi il s'appelle pas finalement Vi 2 pour tout le monde, parce que finalement je pense que comme il a pas ouais peut-être parce que comme il a pas dû sortir un peu partout, ils ont préféré lui donner un autre film comme un autre titre comme si c'était un truc tout neuf. Mais bon, bah justement le problème c'est qu'au début du film en fait on ça fait référence à tout ça. Après ça passe crème, hein, tu captes pas tout de suite que c'est inhérent à un film qui s'est déjà passé, mais bon, en fait tu dis c'est quand même bien travaillé ces extraits-là, quoi. Ça doit provenir d'autres choses quand même. Tout au début du film, en fait, on a tout ce qui est tout ce qui va expliquer en fait qui est le, enfin tout ce qui scelle le lieu en fait de l'action. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans un village chinois en fait qui est, oui, parce que pour le deuxième, autant le premier c'était une coprode russe, Ukraine, je crois aussi, ou et attends, attends que je vérifie. Ouais, dans les premiers, on avait, c'était quand même déjà la Chine, hein. Mais Ukraine, République tchèque, enfin bon, bref, tout ça. Alors que dans le deuxième, on est Russie-Chine. Voilà, ils ont resserré le truc. Mais et donc ouais, on est dans l'histoire en fait, on est dans un village chinois qui a un dragon qui habite dans le village, hein. Et le dragon en fait, bah les cils du dragon en fait quand il tombe, ça fait des petits arbres qui donnent un thé aux pouvoirs spéciaux. C'est très poétique dit comme ça. Mais et donc en fait, ils vendent ce thé un peu partout. Mais un jour, des sorciers rebelles viennent à s'emparer du dragon et donc du thé spécial et donc du village et chassent le roi et sa fille la princesse qui détenaient le sceau que le dragon leur avait donné pour sceller le lien. Et donc le fameux cartographe du premier film, qui lui était de passage en Russie, s'aperçoit que l'empereur de Russie, c'est un faux. Et le vrai, lui, est emprisonné en Angleterre. Quel rapport avec le village chinois, vous me direz? Eh ben, il est Le emprisonné. masque de fer. Mais oui, c'est vrai, ça, en plus, c'est lui qui a le masque de fer. Non, désolé. Bah Désolé. oui. C'est pour ça. Je viens ça pour rire, moi. Mais non, mais tout ce que tu peux imaginer est une blague, t'inquiète pas, ils vont te le sortir dans le film. Et donc, tous deux, en fait, le vrai empereur de Russie, là, Peter, là, enfin Pierre, il est Pierre de Russie, il est emprisonné à Londres, dans la même cellule que le roi du village, là, le vieux père de la princesse, en fait. Et lui, il a le sceau sur lui, hein. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, t'as un mec, un soldat, qui l'a fouillé avant de se faire emprisonner. Il lui a laissé sa grosse bijoutasse, là, qui est le sceau du dragon. Et donc il finit par s'enfuir et le vieux lui balance le sceau à la gueule en disant va donner ça à ma fille. Et donc du coup, enfin c'est je le dis comme ça mais et donc du coup donc Pierre de Russie de son côté en parlant d'Angleterre et le cartographe en partant de Russie, ils vont tous les deux se diriger vers le village des dragons en Chine. Donc voilà, ça pose le truc. C'est un peu, c'est long quand même. Toute l'intro est énorme. Enfin, si on peut appeler ça comme une intro, enfin, tu nages dans des trucs un peu bizarres au début quand même. Hein. Il y a la petite présentation donc je disais au début qui raconte la légende du village. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté Star Wars, tu sais, avec son histoire de sorciers tombés dans le côté obscur, quoi, parce qu'au départ c'est des sorciers blancs et tout, puis on leur dit attention, c'est des sorciers noirs maintenant. Enfin bon. Et puis il y a aussi une autre référence aussi plus loin dans le film, c'est-à-dire que t'as une scène où t'as un mec qui arrive avec des gardes qui sont un peu magiques et tout, et qui des espèces d'énormes masques qui vient taxer l'or des habitants, quoi. Et ça rappelle le shérif de Nottingham dans le Robin des Bois de Disney. Et donc y a, oui, il y a forcément des inspirations de films familiaux et tout. Alors au niveau du casting, en fait, on a Jackie Chan, bah, qui est dans le cliché du vieux sage chinois, hein, donc la longue barbe, les longs cheveux, blabla, tout blanc. Et il est pareil à la cour, genre je me nourris de soleil. C'est ça. On a Schwarzenegger dans le rôle d'un gradé anglais chef de prison, justement la prison où est enfermé Jackie Chan et Pierre de Russie, yeah. avec le costume d'époque et avec la perruque à bouclette. J'avais vu combien cette scène. Pff, trop bien, ouais, c'est drôle. Mais il n'y a pas qu'une scène. Hein. Et en fait, justement, c'est le truc, c'est que ces deux-là, Jackie Chan et Schwarzenegger, ils m'ont trusté tout le début du film. Et on aurait pu s'en passer, en fait, mais tellement, quoi. Parce que bon, après, on bascule, on rentre une fois dans le cœur du sujet quand ils sont plus là, quoi. Ça alourdit vraiment le truc avec les deux-là. Enfin, à mon sens. Hein. Donc il y a Jason Fleming, hein, on en a parlé. Donc Charles Dance aussi. Bon, je trouve qu'en fait Charles Dance, il est, enfin, t'as toujours l'impression qu'il a jamais peur de rien. Alors je sais pas si c'est, tu sais, il a toujours cette terre, tu vois, où t'as l'impression qu'il va être le boss et tout. Et là, je me dis, putain, mais grave. Et tu te dis, putain, mais là, en fait. Là, ça aurait été bien qu'il ait peur de ce que ça allait donner, quoi, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, quoi. Ça dit le premier, bon, je l'ai pas vu, je sais pas ce que ça donne, c'est peut-être mieux, hein, mais bon. Et puis c'est, enfin, on sait pas pourquoi il est là, mais bon, en tout cas, dans le deuxième, il y a pas trop de raison à ce qu'il soit réellement là. À part pour un ou deux trucs, pour une ou deux ficelles, quoi, mais bon, c'est tout. Mais c'est vraiment pas le pire parce que, à un moment, en fait, l'espace vraiment deux plans. On a Rutger Hauer. Parce que, ouais. Parce que pourquoi pas. Voilà. Il fait un ambassadeur et voilà. Et j'ai regardé s'il était dans le premier, tu vois, au cas où ce soit un truc. Non. Donc, why not? Et donc, bon, bah. Il y a d'autres acteurs qui sont chinois ou russes, enfin, quoi, forcément, ceux qui font Pierre de Russie, ils ont plein russe, quoi. Et d'ailleurs, plus gros, je pense que le plus gros du jeu, c'est les acteurs en anglophone qui jouent, en fait. Et vu qu'on a un casting américano sino-russe, bah forcément il y a beaucoup de doublage et ça fait, c'est assez bizarre du coup à l'œil et à l'oreille, quoi, parce que on a tous pris l'habitude de voir les acteurs chinois parler en chinois, enfin là tu as des trucs comme ça et là bah tu les vois clairement, ils sont c'est très bizarre de les voir parler en anglais, tu vois. À la limite, on a pris l'habitude de voir les doublages en français, mais là, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais bon. Et puis au niveau du son aussi à l'oreille, le doublage, ça donne un côté très surfait. C'est très chelou. Ensuite, attends, je reprends ma petite note. Ah oui, il y a absolument aucune logique dans ce que racontent les personnages emprisonnés au début dans leur cellule pour initier le fait qu'ils aillent dans l'action, dans le cœur de l'action. C'est comme si en fait à un moment il fallait trouver une explication pour qu'ils rentrent dans l'histoire, quoi. Mais j'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi il dit ça en fait? Ça, c'est pas logique. Pourquoi? Bref. L'éclairage aussi par moments est horrible. Notamment il y a une scène, ouais, il y a une scène qui m'a frappée, c'est une scène en extérieur avec Charles Dance justement, et celle qui fait sa fille. Alors ça doit être parce qu'il faisait dégueulasse derrière, hein, dans le temps derrière, mais on sent tellement bien les lampes en pleine tête, quoi, c'est dégueulasse. T'as l'impression qu'il est en prison, quoi. Bah t'as l'impression qu'il s'est mangé une mandat dans la gueule, quoi. Donc je sais pas, il y avait pas de budget sur cette scène-là, je sais pas, j'en sais rien. Et bah il y a une volonté en fait de vouloir instaurer des intrigues hein, mais c'est tellement surfait que bah on regarde ça sans conviction et juste en se disant bah quoi encore. Donc ah oui, j'ai oublié de dire, Schwarzy est prod exécutif hein, sur ce film-là. Donc ça explique pourquoi il a absolument joué dedans quoi. Mais et donc peut-être la condition de pourquoi il a joué dedans en fait. Ouais. Et ah oui, la conception des décors aussi est un peu chelou. Bon, on sent qu'on est plus proche des décors, tu sais, de t'sais, tu te souviens les films, téléfilms de Noël, je sais pas si ça passe encore, mais genre oui. Fantagoro, la rose noire, là, je sais pas quoi, là, qu'on regarde, où ouais, les ouais. décors, ils sont, c'est un peu carton-pâte, bah, par moment, entre la 3D et le carton-pâte, bah genre quand ils sont debout dans un carrosse, t'as le personnage de Jason Fleming et un autre personnage qui est parce que je vais pas spoiler, il y a un truc par rapport à ce personnage, mais ils sont debout dans un carrosse, j'ai cru que c'était une maison. Alors il y a un problème avec le décor et les perspectives, c'est-à-dire qu'en face, tu vois, ils sont censés être dans un carrosse, ils ont une place dans ce truc et en fait c'est quand t'es acteur parce qu'en même temps tu fais mais c'est un carrosse, il est petit normalement. Enfin bon, bref. Et il est debout, hein, mais bien, quoi. Tu vois, le mec, il se retourne derrière, il prend un truc et tout. Genre comme si c'était son salon, quoi. Et d'ailleurs, en fait, c'est un intérieur qui est très spécial, l'intérieur du carrosse, parce que on distingue vachement bien les stries, les ondulations des murs en carton, en fait. C'est-à-dire que tu sais pas les ondes, tu vois pas les ondulations, mais tu sais le côté lisse du carton où tu sais ouais. tu sens bien que derrière il y a les stries d'ondulation. Bah je regarde le truc, je fais mais c'est des stries d'ondulation ça, c'est du carton. Mais je te jure hein, et pourtant j'ai pas une copie au 4K machin quoi. C'est pour ça en fait, c'est parce que t'as une copie 4K que tu peux voir ce truc là. Non mais c'est vrai, je dis j'en ai pas une copie 4K. Mais c'est très bizarre, très très bizarre. Ou alors c'est un rendu qu'ils ont mal fait, mais je t'assure qu'on dirait vraiment que les murs sont en carton, quoi. Et on a une belle neige en polystyrène aussi, ou en paillettes plastiques, hein, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Mais c'est magnifique. D'ailleurs, quand on bascule un peu sur l'extérieur, quand on commence à avoir du combat et tout machin, et que du coup on finit par se débarrasser de Schwarzy et de Jackie Chan, finalement on rebascule sur le côté conte du récit et voilà. Et pour moi ça, à 20 minutes j'étais épuisée déjà, je me suis dit j'étais là putain mais que 20 minutes là. D'ailleurs t'as un moment en fait où qui est assez hallucinant. Ça, où tu sais pas s'il est vraiment sérieux ou pas, Schwarzy. Tu dis, oh, c'est de la parodie, c'est une petite blagounette. Mais en même temps, quand tu connais Schwarzy et comment il a commencé le bodybuilding, tu dis, parce qu'en fait, il y a un moment dans son personnage, je t'assure, il dit aux autres prisonniers, fais retourner de faire de l'exercice, perfectionnez vos corps et souvenez-vous, un corps sain abrite un esprit sain. Oh. Je t'assure. Et sachant que Schwarzy s'est lancé là-dedans. Mais oui. C'est-à-dire que Schwarzy s'est lancé là-dedans, en fait, avec cette doctrine-là, en fait, parce qu'il était, il était adepte des idéaux de la Grèce antique. C'était, enfin, c'est, et tu te dis, mais, et en fait, quand tu sais que, tu sais, t'as des documents où il dit, moi, je m'efforce de garder l'Amérique en forme, machin, des trucs comme ça, tu te dis, mais il est sérieux ou il est pas sérieux, là, en fait. Tu sais plus où est-ce qu'il est le gars qui est sympa et drôle et qui aime bien faire de la parodie et où est-ce qu'il est le mec sérieux et qui est quand même un peu son personnage lui-même quoi. Donc bon, c'est un peu spécial. Sinon on a aussi la manière dont c'est filmé en fait, c'est tout ce qui est scène d'action et tout machin, ça rend les mouvements lourdos et c'est mal foutu, ouais, lourdos. Ouais, sur tout le début avec Schwarzy, Jackie Chan, enfin, t'as des scènes d'action. T'as que vers la fin en fait où il y a les combats avec plusieurs nanas en fait où ça commence à être un peu sympa, mais enfin quand on bascule sur l'aspect chinois en réalité. Mais avant, je trouve ça un peu, je trouve ça très lourdeau comme moment. Je sais pas comment je trouve ça mal foutu quoi. Alors même quand ils essayent de faire quelques effets de caméra, c'est-à-dire qu'on a le combat entre Jackie Chan et Schwarzy, ils essayent de faire deux trois trucs. Mais en même temps, ils ont un instaurer un côté clownesque du truc qui lui donne un côté lourdingue, mais de fou, quoi. Et en fait, le tout est bourré de trucs qui n'ont pas de sens. Et il se dit, bon, c'est des trucs qui n'ont pas de sens, ou des trucs où ils se disent, ok, on va faire comme ça, ou oh là là, c'est bien tombé, dis donc. Enfin, c'est pour ça que pour moi, c'est un film familial. C'est-à-dire que on est typiquement dans le divertissement familial. Ouais. Et comme je le disais, en fait, le mieux c'est quand on n'a pas Schwarzy et Chan, parce que finalement t'as l'impression qu'ils ont un peu trusté leur. Je pense que ça devait être le produit d'appel pour le deuxième film aussi. Hein. C'est-à-dire que au départ, quand ils avaient annoncé le projet, ils voyaient même Statham dedans et Steven Seagal. Donc ils ont. Les deux en même temps. Bah ouais, au départ ils planifiaient de mettre Jackie Chan, Statham, Seagal, et finalement bah ils ont annoncé que ce serait Schwarzy. Donc je pense qu'ils le succès du premier enfin ils voyaient haut, quoi. Ils se sont dit, allez, on va se lancer un peu, et du coup en fait bah ils se sont dit, on a Chan et Schwarzy, on va les rentabiliser, on va leur faire un côté un peu clean, mais finalement ça nique un peu tout, je trouve. En plus, c'est ça. En plus, c'est tu fous comment il s'appelle, Steven Seagal, qui a rien foutu depuis peut-être 5-6 ans maintenant, qui a rien foutu et qui faisait des DTV. C'était annoncé en 2015, hein, donc c'était pile dans le truc. Je crois le dernier, ça doit être 2014, un truc comme ça qu'il a fait. 2013, je crois. Mais ça aurait pas été possible, Steven Seagal. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il aurait voulu tout truster, quoi. Donc, la plupart des films qu'il fait, il apparaît deux fois dans le film, et puis après, il se casse. Tout le reste, c'est ces cascadeurs qui font le truc. Franchement, ça vaut pas le coup, quoi. Mais en plus, tu mets Jason Surprise dedans. Jason Statham. Merci. Et forcément, dedans, tu trustes, t'essayes de truster de la place assez haute, mais tu n'es pas si bien dedans, quoi. Voilà. Mais du coup, c'est narrativement, c'est un peu le bordel, mais un peu beaucoup même. Même si au final, je leur dis, hein, quand on s'enlève du côté Schwarzy Chan, le scénario commence à être un peu près, quand il arrive sur le village chinois, ça commence à être un peu, à suivre un petit peu un truc, quoi. Mais sinon, oui, c'est un énorme bordel. La prod étant sino-russe, en fait, on sent qu'il faut qu'il y ait un équilibre, en fait, sur le truc. Après, je m'attendais à ce que les Russes soient plus l'histoire. Bah, finalement, pas tant que ça. Mais peut-être parce que comme c'est la suite d'une coprod à eux, en fait, bah peut-être qu'ils s'en foutent un peu, du coup, au final, quoi. Vers la fin, il y a des trucs sympas, tu vois, mais vu qu'il y a plein de persos qui ont l'air principal, parce que finalement, le mec qui était à l'origine, qui était dans le premier truc, Jason Fleming, son personnage, il sert de fil conducteur, mais tu sais plus si au moment le personnage principal c'est pas la princesse finalement. C'est un peu, et puis avec la présence des autres stars, enfin voilà, c'est un peu on sait plus trop qui est le personnage principal au final. Et il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc voilà, finalement Chan et Schwarzy nous ont bien trusté tout le début, il fallait bien qu'ils soient à la fin aussi. Et c'est terriblement drôle et ridicule. Donc voilà, en plus il y a une moralité sur la beauté de ce qui nous entoure, sur l'amour, tout ça. Et au final, dans le début de l'impro, comme je l'ai raconté tout à l'heure, on raconte des trucs qu'aurait vécu le personnage de Jason Fleming dans le premier film, avec plein de créatures qui ont l'air sympas. Ça donne envie de voir le premier, en fait. Et voilà, c'est surtout ça qui reste, en fait. Parce que le deuxième, finalement, c'est un espèce de gros, gros truc, tu te bouffes ça, et puis c'est bof. Voilà. Mais après, le film, il se suit bien, et curieusement, il y a un léger capital sympathie. Je pense que ça doit être le côté familial du truc, en fait. Donc voilà. Mais c'est moche, quoi. Bref. Oh là, voilà. Quand même, ouais, c'est le gros accident industriel, ce film, quoi. Ah, mais je suis même pas sûre que ce soit accident industriel. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que je sais pas si t'as déjà vu des films russes, mais pas Oui, des, quand même, quand même. non, pas, non, non, pas des films russes, beaux, intellectuels, des films de divertissement russes. Malheureusement, The Night Watch et Day Watch d'un certain Timur Bekmambetov Oui, avant et qu'il ben aille on dit rien quand là-dessus même. parce que moi j'aime bien, d'accord? Non, je te parle pas des Nightwatch et Daywatch, qui sont Daywatch un peu moins, mais Nightwatch, j'ai bien fait. Mais bon, après c'est un autre délire, hein, c'est Timur, bref. Mais il y a d'autres trucs, tu vois. Enfin, tous les films de divertissement russes, c'est un peu spécial, un peu spécial. C'est comme le film La Victoire avec Depardieu, quoi. Depardieu et Elisabeth Hurley dans un film russe, quoi. Bah, ça donne un truc un peu. Enfin, les prods russes, c'est un peu spécial. Hein. Donc, je pense qu'il y a ça, qui joue pas mal. C'est très, ça doit être très empreint de ça, en fait. Donc voilà. On continue avec, on finit même avec notre fil rouge, Nelson, Oh oui! avec À contre-courant de Mac Kirtan. Oh oui! Oh oui, oh oui, oh oui! On va en sortir. Alors, un contre-courant des TV, sorti en 99, appelé également en original The Last Marshall, un film de 1h42, avec Scott Glenn, Constance Mary et Randall Batinkov. Alors, autant vous dire que bah, la plupart des acteurs, en fait, je les connais que de nom, je me souviens absolument pas de leur rôle dans les films dans lesquels ils ont joué. C'est-à-dire, Scott Glenn, il a joué dans À la poursuite d'Octobre Rouge, je me souviens pas de lui. Hein c'est vraiment, moi, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais qui joue ce mec-là? Puis je regarde, Il je n'était dis, pas dans le film d'Itsu sur les vieux cosmonautes, là. Il était dans Space Cowboy, mais là? pareil, je me souviens pas de lui. Il était dans L'étoffe des héros, mais je me souviens toujours pas de lui. Mais non, il est dans plein de trucs, en fait, où quand tu vois un vieux mec un peu sec et tout, en fait, bah, c'est pour sa gueule, quoi. Enfin, Ouais, il y a William Forsythe aussi dedans. Que lui aussi, je me souviens que de son nom, je me souviens pas de lui. William Je l'ai Forsythe. vu dans tous les films. Je l'ai vu dans tous les films de Substitute, Flic de Over the Rock, je les ai vus, je l'ai vu, mais je me souviens pas de lui. Je Je te jure, j'ai un Alzheimer. Dès qu'ils m'ont dit, là, j'ai un Alzheimer instantané. Tiens, qui c'est ce gars-là? Et donc, alors, à contre-courant, donc film de 1999, alors, la VF est formidable. Vraiment. Je recommande ce film seulement pour la VF. Parce que je me dis, putain, mais la traduction, comment ils ont dû se faire plaisir. Parce que quand j'ai regardé le truc, j'ai dit, waouh, dès la première séquence, je me suis dit, ce film est formidable. C'est vraiment formidable. Alors, je vous fais le pitch vite fait. Oui. Donc, Colm McLeary est un marshal texan à l'ancienne, un cow-boy bourru, tout droit sorti du Far West. Il déteste tout le monde, dort avec ses bottes, s'exprime avec son flingue, appelé pour une prise d'otage, il refuse de négocier et, contre l'avis de ses supérieurs, attaque seul un gang de Mexicains. L'affrontement tourne au carnage et les tueurs s'échappent. Teigneux, Cole décide de les pourchasser jusqu'en Floride, à Miami. Précédé par sa réputation, il doit travailler avec deux jeunes flics, un inspecteur blagueur et une séduisante hispanique aux idées larges. Un contre-courant de la jeune génération. On doit comprendre un truc quand tu dis hispanique aux idées larges concernant la meuf. Non, parce que on dirait qu'il y a un sous-entendu, quoi. Mais oui, ouais, c'est genre la meuf progressiste face au conservateur de droite, quoi. C'est un truc Ah. dans le genre, donc c'est pour ça, et encore, le film, c'est un bon vieux film de droitard. Oui, parce que dès que t'as dit gang de Mexicains, je me suis dit, ça sent le truc bien, bien ficelé, là. Oh putain de merde, mais la VF est formidable. La VF est formidable. C'est raciste au possible. Franchement, les séquences de, surtout les séquences de comment c'est joué. Le truc, si tu veux, Scott Glenn, j'en perds mon latin. Scott Glenn, il joue de manière monolithique. Il est vraiment dans son rôle à fond. C'est pour ça que j'aimerais bien écouter la VO, parce que, franchement, les blagues, les punchlines, mais elles sont incroyables, quoi. Les punchlines, tu écoutes le truc. Franchement, je peux pas vous le faire écouter, ça qui est énervant, mais putain, vraiment, je me suis fendu la gueule, quoi. Chaque fois que j'écoutais toutes les punchlines du Texan, mais j'étais plié en quatre. Vraiment, j'étais plié en quatre. Alors, excusez-moi, petit rototo. L'histoire, elle est convenue. Voilà, c'est ultra convenu. Tu sais, qui va se prendre une balle, qui va mourir, qui est le blagueur, voilà. Le méchant. Alors là, j'ai préféré l'appeler Gérard Bacon, parce que là, William Forsythe, on dirait un mélange, c'est un mix entre Gérard Depardieu et Kevin Bacon qui a pris 130 kilos. Voilà, et là, dans la VF, il a un accent allemand, mais on dirait plus suisse-allemand. Non, tu sais, il y a un petit côté de Bernard Pierre Donadieu, non? Vite fait. Non, non, oh, non. Dans non, le côté un peu visage avec les grosses pommettes, là. Ouais, non, non, non, non, non. Non, mais en plus, tu as William Forsythe dedans, je lui foutrais plus une aube et je le collerais en moine, quoi, parce que là, il a vraiment pas la dégaine d'un grand méchant, on dirait plutôt un, voilà, quoi. Là, on dirait un représentant en Bible, un représentant de Bible dans le Kentucky, quoi. Bon, Donadieu, c'est uniquement pour les pommettes, hein. Voilà. Mais voilà, c'est le récit, il est ultra convenu, mais alors, putain, tous les acteurs dedans, et voilà, les acteurs dedans, tu sais tout de suite, tu dis, ah oui, toi, t'es la caution féminine, progressiste, mais voilà, on va pas trop te donner de texte, parce que bon... Ah bah, c'est les années 90, hein. Ouais, il faut qu'on laisse parler le vieux cow-boy raciste. On crée bon, c'est vrai qu'on va pas jusqu'au bout... Parce que c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, oh non, c'est convenu, il va la baiser, puis finalement, bon, il y a un truc qui l'en empêche, mais voilà, c'est le récit est ultra convenu, mais alors, putain, regardez-le, quoi, regardez-le pour la VF, regardez-le pour les cascades, regardez-le pour une bagnole qui s'éclate, et derrière, un passant qui passe et qui en a absolument rien à foutre. Regardez-le pour la musique. Enfin, non, ne l'écoutez pas pour la musique qui est à chier. Vraiment, elle est vraiment à chier. Mais regardez-le pour son ambiance, pour ce truc complètement. C'est même pas 90, c'est 80, quoi. Une ambiance étise. Parce que, franchement, là, on est en 99 et des TV comme ça, ben, on en a plus des masses. C'est-à-dire qu'encore en 90, depuis 90 et tout, jusqu'au milieu des années 90, on avait des trucs comme ça avec bon les Steven Seagal, des trucs comme ça. Mais là, c'est une sympathique série B, mais avec une VF incroyable. Oh, vraiment, si vous le regardez, regardez pour la VF. Elle est vraiment, fada. Alors bon, moi je l'ai trouvé, c'est une édition DVD avec un autoring dégueulasse. Fait par une société qui s'appelle A Art Communication, qui a un logo complètement dégueu. Donc, je tenais à le signaler. C'est un DVD en plus. Ça qui me fait marrer, c'est que c'est tout public, mais quand même, il y a un paquet de mecs qui se mangent des balles. Il y a une séquence de torture, mais c'est tout public. Voilà. Et franchement, c'est voilà, tout le monde joue comme un cul, mais faut regarder. Faut vraiment, voilà, là, matez-le tout seul. C'est-à-dire que autant celui d'avant, autant le premier American Samurai, il fallait le mater dans un état second, autant celui-ci, vous pouvez vous le mater dans un état normal et vous feindre la gueule pareil. Parce que c'est vraiment ce moment que j'ai passé où je me disais à chaque séquence et à chaque punchline, mais non, ils vont pas aller aussi loin. Mais non, mais c'est pas possible, ils peuvent pas aller aussi loin. Et en fait, voilà. Alors, je sais même pas comment ça se fait, mais t'as le signe que c'est vraiment les années 90. Tu as le mec de Madonna qui joue dedans, dans les Mexicains, ouais. Le père de sa fille. Ouais. Donc, c'est là que, parce que le mec, on a, à part ça, on n'a jamais entendu parler de lui. Hein. Donc, c'est vraiment signe d'une époque. Hein. Ouais, complètement, complètement. Puis Scott Glenn, quoi, il a une dégaine, ouais, il a, c'est clair, la dégaine du marché de Texan, il a la moustache et tout, mais il a aussi la manière de jouer monolithique, quoi. Et là, Ah, le toi, tu parles de keuf Scott Glenn, blagueur, tu veux dire? ouais, le keuf blagueur, même comment dire, le bras droit de William Forsythe, même lui, quand tu regardes, tu dis, mais non, mais toi, t'es pas mexicain, t'es égyptien, toi. T'es un vendeur de kebab, c'est pas possible. Je suis sûre C'est qu'on pas parle dans du mec toi. de Madonna, là, en fait, parce que Ouais, je pense que ouais, je le pense que ouais, attends, je... Carlos Leon, Oui, regarde, tiens. Carlos Leon, oui, Bah voilà, c'est ça. c'est le père de sa fille, en fait. Hein, Ah ouais, donc c'est le père de Lourdes Maria, d'accord. mais Hein, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment que là qu'on a entendu parler de lui. Donc je pense qu'il a joué dans ce film parce qu'il était pistonné, c'est tout. Bah, c'est un C'était. peu ça, ouais. C'est un peu ça. Puis même, tu sais, moi, j'ai rigolé parce que bon, t'as des séquences. Mais en fait, il a une carrière, il a une vraie carrière d'acteur, en fait. Attends, Ah bon? bah il a fait de la télé ces dernières années, ouais. Il a fait de la télé, mais genre de la télé-novela ou alors de la télé-ricaine? FBI du haut très spécial, Person of Interest, Ah Blue ouais, non, il a pas fait de la Bloods, merde. New York section criminelle, il a fait quelque... Ouais, bon, alors après, c'est pas le plus grand acteur du monde, hein, il doit faire des petits rôles par-ci par-là. Hein. Ouais, mais bon, au moins il fait un Alors, petit truc curieusement, tranquille, il quoi. était dans The Big Lebowski. Ah! Là, il joue Attends! Maud. Alors, dans MDS, c'est Maud Sugg Number One. Donc, il doit jouer un petit voyou du début, je pense. Oui, c'est ouais, des mecs qui. Ça doit être un des gars qu'on voit au tout début du Ouais. truc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Enfin bon, Mais. bref. C'est voilà. Bah, C'était l'aspect ouais, coupable du bah truc. là, voilà. Donc, il y a tout un tas de. Il y a vraiment, genre, tout un tas de gueules du DTV dedans. Et puis, franchement, non. Moi, je me suis vraiment fendu la gueule jusqu'au bout en matant ce film. Je vous le conseille fortement. Et voilà, c'est tout. Franchement, à contre-courant, c'est une sympathique série B. Et voilà, si vous êtes à 4 du mat après une bonne soirée et la soupe à l'oignon, vous mettez ça pour terminer votre nuit, pour cuver votre bière, toute la bière que vous êtes avalée avec vos potes, et ben voilà, pour cuver ça, vous regardez ce film-là. Pour Et vous déceler. vous endormez devant parce que franchement, c'est vraiment tout le film est vraiment incroyable. Voilà, voilà pour moi. Oh yes, c'est tout pour moi, drop mic. bah écoute, ouais, c'était bien chargé aujourd'hui. Yes. C'était pas du petit film d'un Non, c'est loin de là. tello. Vous allez nous en donner bientôt. Ouais, bah c'est vrai, il va falloir alterner en fait. Je pense. Oh, on va te donner pour des films Mathé, un Tarkovski, Nelson. Non, Le cri du cœur, on va non! faire super le tremblement. Mais nous, on se retrouve la semaine prochaine, puisque on est confinés, on est On est confinés. confiné. On On est est confiné. confinés. Voilà. Et on vous dit Je pense bah. qu'on va se regarder un nouveau film de Boulard à chroniquer tellement c'est impressionnant ton film. Non, c'était sur le coup la semaine dernière. Moi, je me suis dit pourquoi pas, parce que il y avait le côté. Non, mais en plus le truc, c'est que moi, la semaine dernière quand j'ai maté, c'était pas pour me dire je vais mater un film de Boulard. C'était pour me dire ah bah tiens, ça a l'air intéressant et tout. Mais sur le speech, mais sur le pitch, mais voilà quoi. Bref. C'était intéressant. Ben oui, parce que c'est super intéressant, parce que justement, comme je l'ai dit à Spana, le côté érotique, porno, est assez peu présent en réalité. Enfin, peu présent, c'est-à-dire qu'il est très soft, c'est sensuel, tout ça, bref. Donc, on vous dit bah, au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir! Au revoir.